Un vieux scaphandre, un peu rouillé. Des rayons teintent l'horizon. Parfum de mer, d'algues séchées. Au loin se dessine sa maison. La quête va enfin commencer. Tant d'attente pour ce moment. Fantasmes et rêves cristallisés. Dans le bleu de cet océan. Il branche les tuyaux un à un, cordon qui insuffle la vie. Enfile son armure de marin et glisse dans ce noir infini. Dans la pesanteur aquatique, il se sent dans son élément. Éprouve les lois de la physique pour trouver le fossile vivant. D'une époque lointaine où l'homme n'était pas une idée. Sa recherche peut sembler vaine, monopolise toutes ses pensées. Un rêve de gosse qui a vieilli. Ses rites sont là pour témoigner. Existence portée par l'envie d'un Graal resté si discret. L'obscur s'empare de la lumière, et pourtant tout n'est que beauté. Extase pour ce loup solitaire, à l'âme et cœur d'aventurier. Le fil d'Ariane ombilical prend congé de son cher enfant, anesthésié par l'animal qui se trouve enfin là, devant. Récompense est enfin là. Peine de grâce sous ses yeux. Trésor à l'allure de diva, c'est la cante majestueux. La vieille sirène l'a attiré. Si près du plafond de l'enfer. Mais le prix est lourd à payer, car plus de retour en arrière. De fines bulles montent vers la surface. Milliers de bouteilles à la mer. À chaque seconde, un ange passe. Pas d'oasis dans ce désert. Chevauchant un bel hippocampe, s'en va vers son cours à venir. Quand le génie sort de la lampe, plus aucun vœu pour s'en sortir.